dans les questions-réponses sur les fonds. Du 24 mars 1963, au matin. La 35e question. Et alors là, nous lirons le paragraphe 338. Et nous prendrons également la question 37. Oh, non, non. Nous prenons la 35e question. Juste ça. Ok. Paragraphe 338. Après que l'enlèvement aura eu lieu, est-ce que quelqu'un de l'Église sera sauvé à la fin? Quelqu'un qui n'aurait pas été pris dans l'enlèvement. Question. Est-ce que tout le monde comprend la question du frère ou de la soeur qui avait demandé à faire Branham? Comme je sais ce que je veux dire, tant que vous ne comprenez pas la question, la réponse, vous ne la saisirez pas. Je répète la question. Après que l'enlèvement aura eu lieu, est-ce que quelqu'un de l'Église sera sauvé à la fin? Quelqu'un qui n'aurait pas été pris dans l'enlèvement? Réponse. Non, non, non. Trois fois non. Malamisatu et Boyami. Oh, les gens de l'enlèvement, c'est moi que nous lirons. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure de l'enlèvement. Mais une fois que cela s'accomplit, y a-t-il quelqu'un de l'Église qui pourra encore être sauvé? À la fin, après tout, réponse, non, non, non. Non. Et nous certifions, non. Et nous certifions que c'est non. Donc si cet enlèvement à date inconnue se produit, et que toi tu n'avais pas été sauvé auparavant, et que tu es de l'Église et des nations, tu étais un adorateur quelque part, tu partais prier quelque part, tu étais un membre de l'Église, l'enlèvement à date et heure inconnue s'est produit, et toi tu n'avais pas expérimenté le salut de Dieu, et que tu es de l'Église et des nations, sache que tu perds pour l'éternité toute possibilité de te sauver. Tu seras perdu pour Japon. Même si tu seras encore vivant parmi les vivants sur terre. Mais quand au salut de Dieu, tu es catalogué. Classé. Un classement définitif. Parmi les perdus qui iront certainement en enfer. Reçois le salut de Dieu maintenant. Reçois le salut de Dieu maintenant. Après que l'enlèvement aura eu lieu, est-ce que quelqu'un de l'Église sera sauvé à la fin? Quelqu'un qui n'aurait pas été pris dans l'enlèvement? Réponse, non, non, non. Et pourquoi? Parce que le sang n'est plus là. Vous voyez? Il n'y aura pas d'intercession. L'âge des nations sera terminé. Par l'enlèvement en question. L'âge des nations sera terminé. Personne ne sera sauvé après l'enlèvement. Personne. Personne de l'Église. Non, non. Mon côté de l'Église, et alors, il est écrit que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pouvons-nous renforcer ça dans l'écriture? Verset 11. Renforçons ça. dans la parole écrite. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Cette écriture se déclenche et s'accomplit au moment de l'enlèvement. L'état dans lequel l'enlèvement va te trouver, ce deviendra ton état définitif devant Dieu. Tu peux être ton ami Salamabé. Asala mabe nano. Pe motore mbindo. Atikala na mbindo nano. Mpe moyenge boni. Asala moyenge boni nano. Mpe mpweti atikala peto nano. Dikwami oyo. Eko kukisa maka ane na mukolo ya kone tolama. Soki kone tolama ya salami mukolo yango. Nono lengo ya ujiwa mina yango. Nende uko tikala botole na ngonde ndo wana. Lengo zoni. Ton etat spirituel. Deviendra ton etat definitif. L'enlèvement se produit et que tu es sanctifié, il te trouve déjà saint devant Dieu, alors tu demeureras saint pour l'éternité. Ce qui est de connaître la messalami, écoute, tu es aussi de copolisa malibosan ensemble, au côté de calabobele bomba, libéla mouta copolisa. Si l'enlèvement se produit et te trouve souillé, impur aux yeux de Dieu, sache que tu demeures impur pour l'éternité. Ce qui connaît la messalami, aux alumines, vos sotonamis en ensemble. Que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors, Rabbanam complète cette pensée pour terminer la réponse à cette question. Cela ne se fera pas, vous voyez, pas après le départ de l'église, le salut. Ça ne se fera plus. Le fils de Salem est sous terre. Nassimana Kokende na Eglise. Le Bible vous dit à la liste de Salem. Si vous voulez être sauvé, soyez sauvé déjà maintenant. Soko l'immédiat de Bissama. Mais on ne peut pas le ça, ça y est. Et recherchez l'assurance de votre salut dès à présent. Père, nous sommes siki siki à l'autre côté. Mais on ne peut pas le faire. N'attendez pas la minute fatidique, l'heure fatale. Cause la terre de Noël et à passe, il y a somme. Ne perdez pas votre temps à déambuler dans le péché. Considérant qu'il y a encore du temps. Et que Dieu est bon. Ne commettez pas cette erreur-là. Vous risquez de regretter pour l'éternité. Dans les questions et réponses numéro 1. Mais tout d'abord, il y a nos motards à l'église. Le 23 août 1964. La question 247. Question 247, là je prends le paragraphe 145 à 150. Frère Branham, voici une question qui est un peu embarrassante pour plusieurs d'entre nous ici. Sur certaines bandes, vous dites que seuls les Juifs sont sauvés après que l'épouse est enlevée. Seuls les Juifs sont sauvés après que l'église soit enlevée. Veuillez expliquer à fond ce qui arrive aux gentils qui ne partent pas dans l'enlèvement. Or, vous et moi, nous sommes ces gentils en question. Nous ne sommes pas des Juifs ici. Nous sommes les Congolais, les Africains, des différentes nations africaines. Vous voyez tout ça? Je pensais que vous aviez dit que les gentils qui resteraient passeraient par la tribulation et donneraient leur vie pour le témoignage de Jésus. Et lorsqu'ils se tournent des gentils vers les Juifs, alors il n'y a plus aucune chance pour les gentils d'être sauvés. Seuls les gentils qui étaient sauvés, mais qui n'ont pas réussi leur vérité des derniers jours, entreront dans la période de tribulation et seront alors sauvés à la fin. Est-ce juste? Veuillez expliquer cela parce que nous vous avez dit que seul un petit nombre partirait dans l'enlèvement. Mais quand on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit Qu'en est-il des gens qui croient au Seigneur, qui croient au Seigneur maintenant, tel que même, mais qui ne croient pas le message du jour du temps de la fin? Et seront-ils sauvés? Et puis la sœur a signé de son nom. Donc, cette sœur était dans une préoccupation profonde. Et elle entend dans les bandes, sur les sauts. Le bonhomme dit que seuls les Juifs seront sauvés. Après l'avenir de l'église, il n'y a que les Juifs qui seront sauvés après l'avenir. Qu'est-ce qui arrivera alors aux jeunes nations? Alors mieux, ceux des nations qui croient au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne croient pas à son message dans la fin tel que vous le prêchez là. Ils croient quand même au Seigneur. Qu'est-ce qui va leur arriver? Pour ceux qui croient au message, vous voyez clairement que quand vous ratez l'enlèvement, c'est fini pour vous. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une deuxième chance à espérer. Il y a des prédicateurs qui s'élèvent pour dire non, il y a des vierges folles dans le message. Ils seront quand même sauvés. Même quand ils ratent l'enlèvement, comme ils sont des vierges folles, ils seront sauvés avec les vierges folles à la fin. Mensonge grossier. C'est une opérie que le diable a mise en place pour vous endormir davantage. Et vous serez surpris quand vous serez réveillé en enfer. Et vous chercherez à manger ce genre de prédicateur là-bas. C'est à cause de toi. Si nous sommes ici, c'est à cause de toi. Vous allez vous empoigner là-bas, mais tous vous serez en enfer. Reçois le salut de Dieu maintenant. Sans tarder. Pour ceux qui sont dans le message, qui croient le message, tu rates l'enlèvement, hein? Maseli ponayo. Biliyakiyo bikoki. Bisakanakiyo bikoki. Ozana sangoyo, okeite na koneto la momo koliko salem. Ponayo, imeni. Alors maintenant, qu'en est-il des autres là-bas? Tu crois quand même au Seigneur Jésus? Tu ne crois pas au message par de la peur, tel que le messager le prêche. Réponse. Eh bien, c'est une très bonne question. Alors, bien, salut. Maintenant, premièrement, la confession vient de ce que j'ai dit à propos des jours des gentils qui s'acheveraient quand la tribulation à la tribulation. C'est de là que vient la confusion. Maintenant, je ne vois pas les gentils dans la Bible. L'épouse des gentils. L'épouse, non pas l'église des gentils, église est minuscule, mais l'épouse, celle qui croit au message. Car l'église des gentils passera par la période de tribulation. D'abord l'épouse. L'épouse, ce sont les élus. Il ne passe par rien d'autre que l'enlèvement. L'épouse croyante du message. Mais ce sont les élus du Seigneur. Ils ne passeront par rien d'autre que l'enlèvement de l'épouse. Quand tu es identifié ou assimilé à ceux de l'épouse et que tu rates l'enlèvement, c'est qu'il ne reste plus rien pour toi. Tu es désespéré pour le monde. Tu étais un ramassé du côté de l'épouse. Un spectateur, un soleil. Tu as manqué le but et c'est fini pour toi. Tu as donné l'occasion pour l'enlèvement. Tu as négligé, tu as été un gros paresseux. Au lieu d'être un vrai chrétien, tu n'as été qu'un chrétien. de mkuse ekonda ekonda na kulimo ya Christ zakate patakufu feneyan a tous égards na manso okokanga na yele kote vie spirituelle zéro. Il dort comme un sac de ciment et se réveille comme un sac de foufou. Aucune vision spirituelle, aucun discernement, rien du tout. Tu rates l'enlèvement, c'est foutu pour toi. Reçois le salut de Dieu maintenant sans tarder. L'épouse, ce sont les cellules. Il ne passe par rien d'autre que l'enlèvement. Je pense que jusque-là, peut-être, tu ne sens pas le grand poids de ce que représente rater l'enlèvement. Parce que ça ne s'est pas encore produit. Et quand on le prêche, tu te dis, oh non, je ne pense pas que ce sera moi comme ça. De même qu'on néglige de lire la Bible, on néglige de lire le message, on néglige d'écouter le message, on néglige la vie des prières, de même on néglige aussi cet avertissement. On prend ça à la légère. Mais il y a un moment qui vient qui s'appelle le temps de pleurs et de grincements des dents. Plusieurs seront encore jeunes, mais grinceront les dents comme des vieillards. Des déceptions et des désillusions. Qui a déjà entendu un vieillard grincer les dents? Ça donne l'impression qu'il mange ses dents. Ah, voilà. Je ne suis pas seul. Ah, ça donne l'impression qu'il est dans la bouche, hein. Mais banda fanda. Ça dérange, mais il n'est pas là. Et tu ne sais pas comment il est. En tout cas, il te chasse vraiment comme un chasseur sacré là. Tu ne comprends rien. Fous le gars. Avec autorité méchanceté. Donc laissez-les dans son grincement des dents. Il est dépassé par les problèmes de la vie. Alors tant que mon nounou est zoya, ça commence à faire des repos. Après, il n'a pas mon coucou, banda colis à mino, à ta 6 heures d'affilée. Tu penses qu'à banda colis à foufou, mais foufou encore s'il a raté? Mais dans sa bouche, vérifiez, il n'y a rien. Et là, ce sont ces dents qui ne font que greffer. Et c'est ce que Frère Branham ne voulait pas. Il ne voulait pas mourir de vieillesse à cause de situations pareilles. Parce que tous les problèmes rencontrés, les déceptions, commencent à retomber sur la psychologie. Et quand on devient vieux, on devient seulement des mauvaises humeurs. Il est en train de crier sur tout le monde avec un langage injurieux facile. Il dit, non, Seigneur, je ne voudrais pas mourir de vieillesse. Devenir comme ça, non. Je vais rester ce chrétien-là que je suis. Et quand l'État est là, prends-moi, par accident ou par balle que je passe. Avec un climat de fer. Non, ce pas dans les alibendes, une humeur de fer. Il ne fait que répéter les mêmes les erreurs, les fautes. Il ne fait que chanter ça chaque jour. Il appelle aux gens leurs fautes, c'est à cause de vous. Toi là-bas, l'autre là-bas, votre frère. Même le bal qu'on avait déjà, pour lequel on avait demandé pardon. Il ne fera que répéter ça tout le temps. Et il devient ennuyant. Et les gens commencent à l'éviter. Et quand ils se retrouvent seuls, isolés comme ça, il ne fera que manger ses dents. Maintenant, ceux qui rateront l'enlèvement, ce ne sera pas les vieillesses qui vont graisser les dents. Mais c'est le climat de ce qui va arriver sur la terre. Et qu'ils ne verront qu'ils n'ont plus aucune issue pour se tirer d'affaire. L'enlèvement qui était le seul espoir. Les ténèbres du dehors, comme a dit Jésus, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. On va jeter ces gens dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est écrit comme avertissement, mais ça s'accomplira comme réalité. Et comment le colombo ici, qui Matthieu chapitre 22. L'on nous dit ceci. Verset 1 à 14. Jésus prenait la parole, leur parla de nouveau en parabole et leur dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes brebis, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais ça, c'est question de l'invitation. Il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son pratique. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outrageurs et les tueurs. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes qui fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourtant, l'épouse, ce sont les élus. Pas les appelés tout court, mais les élus. Et les élus ne passent par rien d'autre que par l'enlèvement. Maintenant, si c'est fait qu'il y ait aux côtés de l'épouse des gens qui sont appelés, qui se sont cru appelés du Seigneur, pour marcher ensemble avec l'épouse qui croyait le message, pour marcher ensemble dans la lumière du soir, il arrivera qu'ils voudront entrer dans la salle des noces par fraude, par des combines, par des fausses doctrines, par des fausses croyances qu'ils ont ramenées dans le milieu du message, mais ils seront expulsés du royaume de Dieu. Alors retenez que toute assemblée qui se prétend du message n'est pas forcément une église épouse de Christ. Et pour moi, nous sommes les gens comme ça, nous sommes les gens qui ont fait des sangs. Et c'est le confrère qui se prétendit, mais ça, ce n'est pas forcément un élu du Seigneur. Retenez que toutes sortes qui se prétendent sur mes sangs, ce n'est pas forcément un élu du Seigneur. Il y a des gens qui marchent avec nous. Et nous côtoyons. Avec les gens que nous appelons frères et sœurs, mais qui se c'était dehors, dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents après l'enlèvement. Je ne veux pas que tu finisses là. C'est pour ça que je te prêche encore au nom du Seigneur, reçois le salut de Dieu maintenant, sans tarder. Je te supplie, frère ou soeur, homme ou femme, jeune ou vieux, reçois le salut de Dieu maintenant, sans tarder. Le temps que tu maîtrises, c'est ton passé et ton présent. Tu ne sais pas ce qu'il en est. Les mains dépendent de Dieu. Pendant que tu as l'occasion, ne reporte pas demain. Reçois déjà le salut de Dieu. Je reviens à la citation. Alors, il dit ceci. L'épouse, ce sont les élus. Ils ne passent par rien d'autre que l'enlèvement. Moi, si je n'ai pas là. Ils sont simplement changés et enlevés du monde. Voyez-vous, j'expliquerai cela dans une autre de prochaine leçon, question. En partant de Luther jusqu'à ces jours. Et vous verrez alors que ce que cela veut dire. Depuis le temps de Martin Luther jusqu'à ce jour, c'est la maturation du corps. La maturation du corps de Christ. Le corps est amené à maturité. On ne doit plus nous laisser dans l'enfantillage. Le corps de Christ est amené à maturité. On ne doit pas nous laisser dans les ballottements. Dans le flottement, les croyances pêle-mêle. Mais non, la parole précise et pure du Seigneur est restaurée pour trouver place dans nos cœurs. Maintenant, remarquez, maintenant, c'est aux Juifs qui seront restés que prêcheront les deux prophètes Élie et Moïse. C'est aux Juifs qui seront restés. Ceci, mes frères ministres, ceci est mon opinion, selon que je sens que le Saint-Esprit me l'a révélé. Maintenant, ce qui doit arriver ensuite, c'est l'enlèvement de l'épouse élue juive. Ou plutôt de l'épouse élue des nations. Avec le reste de l'épouse élue des nations. Qu'il y a eu à travers les âges. Ce n'est pas l'épouse élue, l'église élue juive, mais c'est celle des nations qui sera enlevée. La juive ne sera pas enlevée. Et alors, être enlevé pour aller au ciel dans la présence de Christ. Les morts ressuscitent. Et ceux qui sont vivants et qui sont restés sont changés. Et ils sont enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, après la fête de noces dans la gloire, dès qu'elle aura été enlevée dans les cieux, après la fête de noces dans la gloire, Jésus retournera sur la terre et se fera connaître à son peuple comme Joseph Antipe. Amen. Alors, il y a Comme Joseph Antipas se fit connaître à ses frères. Et il n'y avait ni son épouse, ni aucun gentil à cette occasion. Personne sinon Joseph seul, lorsqu'il se fit connaître à ses frères. Tambou Yosef a salakete amiye bisaba ndogo na yeba yeba ye alongola ki mwashi na ye na batsali nyusa mabota bazalaki wana te bazalaki bopole mwepo to toni mwose para bandiko na ye. Vous comprenez cela maintenant? Batu nyosho na sosoli ni kambongo sa saibi. Il envoya, même sa femme était dans le palais, le type de l'épouse qui sera dans le palais, dans la gloire, à ce moment-là. Amen. Na bongo ataku mwasi ya Yosef. Yosef wa saraki nini? Azu mwasi na ye, atikia na ndaku, nibosota mimuni sana bandiko na ye. Bongo peo mwasi na libala oya mabote oya koneto la mako. Tika lande na kembo, nibosoke Yesu ayaku mimuni sepana bandiko na ye. Alors, Jésus se fait connaître aux Juifs, voyez-vous? Après la fête de noces, les 3 ans et demi. Yesu akosalete, ba yuda bako gana kwa yeba ye, na simana elambo ya... Libala kuna na lola. Pour cette situation, je m'arrête là au paragraphe 150, première partie. Voyez. Donc, il y a l'enlèvement, l'église reste dans le palais, elle va passer 3 ans et demi de noces. Là aussi, elle va faire des noces. Et puis, l'église, Jésus-Christ revient seul d'abord, se révéler aux Juifs. Il leur présentera ses plaies. Il répandra sur eux l'esprit de grâce et de supplication. À la fin du ministère de l'État, les 3 ans et demi. Yesu akoya na simana la elambo na libala tiki mwasi na libala na lola aye komemoni saka na bayuda akotali saka bango maboko na ye oye zaki na bapota pe akosopa likolo na bango mulimo ya kolele na ko mawa. Et puis il réapparaîtra sur la montagne des Oliviers. Pe aye komoni sa malisusu likolo na ngomba na de façon que toutes les nations, toutes les tribus de la terre le voient, que tout le voient. Yesu na lolenga te. Donc, ça vous donne là comme deux venues, une première un peu discrète, pour que les gens des nations ne remarquent pas, mais une autre qui est plus éclatante. Mais tout ça est compté dans la seconde venue du Seigneur. Hein? C'est compté dans la seconde venue pour Israël. Donc, mais il y a deux apparitions différentes. Donc quand vous voyez dans Apocalypse 14, il sera avec les 144 000 sur la montagne au temple de Sion. Et lui l'agneau. Voyez, ça c'est lui avec les 144 000 seuls. Dans Zacharie 12, il y a eu l'événement de la vallée de Megiddon. Où Dieu répandra sur la maison d'Israël et de Juda l'esprit de grâce et de supplication. Voyez, ces événements auront lieu là, au milieu de la 70e semaine de Daniel. Donc après les 3 ans et demi, le ministère de Moïse et d'Élie. Na bongo makambo nyoso kwa salema nde kuna na Yerusalemu na sima ya misala oyo ya Elia na Mose na sima na musala na bango oyo mbibi sato na ndambu. Alors la bataille de Armageddon elle surgira après cela. Na bitumba oyo amakede kwa na sima. Que Dieu nous aide pendant qu'il est notre temps à nous de chercher le salut. Nzambe asunga biso lokola ezali na ntango ya biso ya koluka kanda lobiko. Et pendant que ce temps est là, écoutez ce que Dieu nous dit dans les psaumes 50. Dieu nous dit ceci. Psaume 50. Le verset 15. Nous descendons jusqu'au verset 23. Donc, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants. Dieu dit aux méchants. L'homme au méchant cœur. Comportement méchant. Mauvais. Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. C'est ce que tu sais faire. Tu énumères les lois. Loi numéro 1. Premier commandement, tu récites. Deuxième commandement, dernier commandement. Tu peux tout réciter comme ça, mais tu es un méchant. Ton caractère demeure mauvais. Dieu te voit et te connaît. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Les paroles d'alliance, tu en parles. Toi qui fais les avis, il n'y a que ton opinion qui compte. Les autres n'ont rien à dire. Dieu dit aux méchants, il s'est énuméré la loi de Dieu. Tu as les paroles de l'alliance de Dieu à la bouche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le vieil homme continue à fonctionner. La cruauté, la rancœur, les inimitiés, il pardonne difficilement. Méchant, écoute la parole du Seigneur. Reçois le salut de Dieu maintenant, sans tarder. Toi qui hais sa vie, tu ne t'écoutes que toi-même, tu n'écoutes que ce qui est conforme à ce que tu penses. Méchant, Dieu parle à ton cœur aujourd'hui. Tu peux réciter les commandements, tu peux réciter les citations, tu peux réciter les versets bibliques. Tu connais de la parole et ceci et cela. Tu te lèves. C'est pas ton caractère, c'est pas ton comportement. Tu dis autre chose. Tu dis autre chose. Toi qui gères les avis, tu détestes les avis, tu t'énerves même. C'est toi des autres avis. Parce que tu adores ce que tu penses. Ton opinion serait toujours la meilleure. Méchant, méchant. La voix du Seigneur aujourd'hui. Le corps doit changer. Toi qui fais les avis. Toi qui jettes mes paroles derrière toi. Tu prends ce qui te plaît. Tu prends ce qui te convient. Ceux qui te condamnent, non, tu commences à te justifier. Méchant, qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Tu t'appelles chrétien, tu t'appelles chrétien, tu t'appelles croyant du message. Méchant, je parle, écoute ta voix. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Voilà les gens avec qui tu marches. Tu partages le petit père parfois. Tu tires même la cigarette par moment. Avec les adultères. Méchant! Tu as prétendu croire le message, mais ce que tu vis là, c'est pas le message. Dieu a dit, c'est pas fou! Ça va l'aider, c'est pas fou! Tu n'as rien de plus! Mais tu ne peux pas si c'est derrière toi. Continuons à soigner les relations avec les adultères. Quelqu'un qui vit dans les adultères, tu n'as même pas l'audace pour les condamner. Tu es là pour les flatter. Tu attends de les jours profiter de ses avantages. Méchant que tu es. Mais c'est ma belle. Ta voix, il se connaît. Réponds-toi. N'attends pas trop tard. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu es complice des voleurs. Complice des méchants, des tricheurs. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. À cause de la cata la cata. À cause de la raison la cata. Le coup de ce coup, et puis arrête par la carotte. À pourquoi le coup de la fanignée? Méchant que tu es. Quand tu vois tout ce que tu fais. Répands-toi et reçois le salut de Dieu. Il te répondra, je ne te connais pas. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Méchant. Quand tu vois le même frère, tu le rencontres après. Que Dieu te bénisse, frère. C'est celui que tu as dénigré là-bas. Et quand tu le croises, au nom de l'Église, la religion chère, que Dieu te bénisse. Dieu te voit. Chère femme, Dieu te voit. Cœur méchant, réponds-toi. Ne dis pas arrêter la prédication, c'est pas le temps de blague. Nous traitons de l'affaire du salut de son âme. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, méchant. Vous prenez bien, normal. Aux autres, mais bien mes frères, moi c'est ma paix, moi toi canja. C'est ce que tu viens d'appeler la parole ici. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Si tu n'as rien de bon à dire de ton frère, tais-toi à son sujet. Plusieurs parmi nous ont jeté ça derrière eux. On l'attaque rarement et on le fait très rarement. On l'a entendu là, oh, et ça va bon? Mais dès que qu'il te signe, tu bosses un peu. Azongelizina ya machina kutonga. Uzotonga ndeko na wazana iwana te azo kape yote. Papa te produire quoi? Papa te quoi? Le professeur ni. Et ko suba na ni. Tu te rapproches de Dieu? Wana ndeko beni. Uzotonga ndeko na ndeza na pamboli yo. Mais pourquoi tu dis que ça c'est mauvaise vie là? Pas de mieux quand même que de ce que bon. Leni otongi, merkeri otongi, bizami ni otongi ni sus. Et tu ne dirais pas rien. On va l'attendre au ministère. Méchant. Le thème m'a beau. Enlève-moi pour naïoté. Oui, oui, non, beau ça n'a pas. N'a tu méchanceté naïo, on cause à l'enlèveté. Yes, on va dire ça yo, naïe bioté. Amen. Aucun cœur de méchant n'entre au ciel. Le thème m'a beau. Et pourquoi t'assieds? C'est le sawapi. Et kanama. Tu t'assieds et tu parles contre son frère. Vous allez vous convaincre, au colombe m'a beau pour n'en déconner. Et tu dis femme, le fils de ta mère. Tu vas dire seulement maman na yo a bota yo. Ngai kutu etalinga ite po maman yo a bota ngai bande bonanga na tosa kabango. Bande go bosio. Mais tu as oublié que dans la Bible il est dit que Eve a été la mère de tous les vivants. Obosa na te ewa na Bible bolobe te zen. Oyo maman ya batri sa bomos. N'est-ce pas? Zeli bongo. Tout humain est un fils de ta mère, non? Ta mère Eve. Et te maman na yo. Maman yo bota batri sa bomos ilelo. Eve, comme on a dit. Ne mamana bango. Maintenant, yo zo tonga mwana ya mamana yo. Mwana ya ewa. Otonga ka ye. No mwana ka ngrave te. Po yebika ka mama oyo abote na maternité. Na mikolo ya lelo yo. Obosa ni mama oyo abote ba tinoso. Eke ba tinoso wana. Oyo omona kana oyo omona ka te wana bazabana na ye. Ozana droa ko tonga bango te. Arrêtons la méchanceté. Toti ka mwana mabe. Il y a une affaire à éviter, il y a une chose à gagner. Le mal engendrera le malheur. Le péché conduira à l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort, dit le Seigneur. Vous serez séparés de Dieu. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu dis femme, le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Hein, tu as pensé que comme Dieu sait-tu, tu as fait tout ça, Dieu n'a rien fait, il n'a rien dit. Et tu as pensé que Dieu est comme toi, toi la monnaie, le parcel, le voisin, et moi, mon compagnon, mon aïe. Au moins, on a la bopette, nous, son zambé, il y a un problème contre l'autre, pour Fandinien. Le mal reste mal, il sera fini un jour. Ma belle, si tu as ma belle, pour personne ne tombe au boulot. Vous arrêtez la colère de Dieu, repassez-vous et réparez. On a pas tellement mis ça, quand on a ensemble, tout bel appel, on dit ça. Moi, salut, Oyo, ne va pas vendigner. Bon, moi, au Kadisha, t'es ngaï, n'a pas l'impé le mot qu'on a eu. Mais je vais te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Zambé, à vous, ma belle, ma belle, n'est-ce pas, vous allez vous rester un minute. Yen, voilà, son petit tableau n'a mis son aïe. Ba mabe au salaka, ba frère au tonga. Est-ce que nous avons pardon? Bambou la nous sommes au tonga. Au tonga, ok, nous avons pardon? des années et des mois entiers. Et parce que Dieu n'en avait jamais parlé, au fanda na yonye, au kanisi ke zamba kokani na yo. Mais zamba tu n'as pas sembo la yo, a tel misi David kakale lo yo. Abandi ko sembo la yo. Batama li susu, ton di mayo. O bimi na ekran zambi. Méchant! Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Est-ce que mais on est paraté. Si Manangozo mon abangoza les amours à gentillesse, on sait que la bango va miguer miguer. Tu penses qu'avec sa Dieu aussi va oublier tes péchés? L'expiation n'est que dans le sang de Jésus. Parfois, si gentillesse, on a un faux cadeau. J'ai un côté pour six collègues à ma soumouna, la culpabilité n'a yo. Vous devez confesser, réparer, obtenir le pardon. Mais il dira, je ne te connais pas en vérité. Quand j'ai voulu te donner l'identité de la parole, tu n'as pas voulu. Tu as admiré ton vieil homme, tu as gardé, tu as préféré garder tes défauts et tes péchés. Tu as trouvé ça comme un caractère meilleur que le caractère de la parole. Mon temps est là. Et je ne t'offre plus rien. Vous voyez? Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire sans que personne délivre. Écoutez, le verset 23. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Et attention enfin. Et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Hein? À celui qui veille sur sa voix. Ce n'est pas dit tambola tambola, ozo tonga, on reparagate, ozo sumuka, on confessagate, on sarakamabe, et on reprosakayote. Tu dois veiller sur ta voix. Amen. Tubela masumu na yo. Sengaka bolimbisi avant qu'il soit trop tard. Vous aimez cette vérité? Alors je vais terminer en lisant Frère Branham ici. Oh, cher ami, reçois le salut de Dieu avant qu'il soit trop tard. Je lis dans la prédication la porte du cœur. Prêchez le 12 mars 1960. Paragraphe 33. La porte du cœur. Écoutez à mon témoin. C'est la porte que tu fermes tout le temps à Jésus. Écoutez à mon témoin. Écoutez à mon témoin. Écoutez à mon témoin. Tango kolingeta kota na motema na yote te yemo kwa kunza. Okosala bisala sala po kimo kwa kwa kwa. Si trubu de pretexte pour ne pas obéir. Ete ozala komizu ele nzela po na kosanga boto. Mais s'il te plaît, âme que Dieu a créé, écoute sa voix aujourd'hui. Na bonde liyo, mwe la onzamba. Nous cherchons la personnalité de la parole. Nous voulons le réveil de son message. Ete kolingeta po la mkia samwe za la katina. Mais ça peut voir comme un flambeau là où il est. Ete mwe po na mkwa sa la mkwa na mkwa. Représentant fièrement le message. Le genre de vie qu'il mène. Vie exemplaire modèle. Distingué de la vie des pécheurs. Nous réclamons ça au nom de Jésus. Amen. Il y a des élus, ils écouteront Dieu. Et la semaine qui commence sera une nouvelle semaine. Et les vieilles, nous serons plus droits, plus corrects devant Dieu. Eh bien, il est si bon, à vrai dire, Dieu, il est si bon. À ce qu'il paraît, et à ce qu'il paraît, à vrai dire, il est si bon. À vrai dire, et à ce qu'il paraît, nous devrions apprécier sa bonté. Pendant que le monde meurt de faim, nous sommes dans l'abondance. Combien de petits enfants ce soir en Inde et dans bien de concrets qui n'ont rien à manger donneraient n'importe quoi? Combien de corps affamés à la recherche de Dieu donneraient tout pour assister à cette réunion ce soir? Permettez-moi de vous présenter un tableau écœurant. Combien de personnes ont déjà sombré au-delà des régions de miséricorde? Jusque dans l'enfer du diable et qui ont été dans les tourments des cauchemars. Combien ils aimeraient revenir et avoir une autre chance. Mais ils sont déjà morts et désespérés. Mais toi, tu continues à jouir des mouvements et des souffles de vie. Ceux qui ont sombré dans les tourments voudraient avoir une deuxième chance et revenir vivre encore une fois pour corriger leur manière de vivre. Mais toi qui Dieu donne encore le souffle de vie. Non, tu continues à boire l'iniquité comme l'eau. Tu fais scrupule sans revenir. Ta vie spirituelle dégringole, mais sans remède. Tu deviens le plus grand des formalistes, mais rien n'est très proche. Au lieu de devenir meilleur, tu deviens pire de plus en plus. Mais rien ne t'interpelle. Ceux qui ont vécu comme toi autrefois. Allez goûter au lieu des tourments. Réclame grâce, un petit secours, ne fût-ce qu'une semaine de vie sous le soleil pour corriger leur vie et réparer tout. Mais parce que toi tu n'as rien que tu détailles. Tu ne vois que le plaisir et le désir du corps de chez toi. Continue à pêcher et à boire l'eau comme l'iniquité. Pour toi c'est si facile à pêcher. Même le clin d'œil est un message de mensonge. Pour toi, c'est comme un jeu. Dieu te voit. Répands-toi avant qu'il soit trop tard. Voyez? Combien ils aimeraient revenir et avoir une autre chance? Qu'est-ce que ce soir si Jésus se rendait en enfer et qu'il frappait à leur cœur? Ils vont répondre immédiatement oui. Je vois la phrase. Finis-nous de cette affaire. Alors il dit, vous pourriez me résister aujourd'hui? Alors au jour de votre détresse, lorsque vous appellerez, je rirai tout simplement. Lelo, nzamba zo benga yo ozo néglige. Alobi changer vie na yo oniko changete. Changer bazela na yo oniko changete. Kaka ba mabe na yo ozo koba nango. Ba défaut, kaka les mêmes défauts, les mêmes péchés, les mêmes iniquités. Tu vis dedans, tu es à l'être dedans. Mais un jour, à l'extrême détresse, tu as gaspillé l'occasion que je t'avais donnée. Tu as craché sur la grâce du salut que je t'ai envoyé. Maintenant, c'est toi ça. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 6, on a lu verset 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous tentons à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Car il a promis, Quand temps favorable, je t'ai exaucé. La tango malamu ngaina ya no lio. Au jour du salut. La tango alobiko. Je t'ai répondu. Na pesa ki oyemi. Voici maintenant le temps favorable. Dans la sasa ipi tango. Voici maintenant le jour du salut. Dans la sasa ipi. Que tu regardes au prix pendant. Le pied sérieux change. Nous ne voulons pas de la vie du péché. Pas des ouvriers d'une église dans l'église. Nous voulons être humbles et repentants. Nous voulons être remettre en cause. Tu peux le changer chaque jour. Le mal en bien. De la méchanceté à la bonté. Voici les jours. Ne remettez pas la chose à demain, dit Frère Branham. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Cependant, beaucoup d'entre vous, peut-être, ont attendu depuis des années. Il a frappé, frappé, frappé continuellement. Vous ne vouliez pas répondre. Il est un Dieu bon. C'est ce que vous vous mettez en tête. Vous vous persuadez à l'idée qu'il est un Dieu bon. Comme l'a souvent déclaré Oral Robert. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu de miséricorde. Mais, il est aussi un Dieu de jugement. Il vous amènera en jugement pour toute œuvre bonne ou mauvaise. Alors, cher ami, reçois le salut de Dieu maintenant, sans tarder. Demain ne t'appartient pas, le futur appartient à Dieu seul. Pendant que tu en as l'occasion, répare tes péchés. Répare tes torts. Confesse tous tes péchés. Répare-toi du mal, de la vie de négligence, la vie de paresse spirituelle, la chaîne de la circonstance. Je le réveille dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Une mélodie, et puis, prière. Et si quelqu'un veut donner ce qui nous tourne, à l'ingéta pèse à mon moyen en colo. Une vraie réconsécration à lui. Et ami Kabali Soussou pas en colo. Un abandon total. On est pèse à la mobimba. Il y a la place à l'hôtel. Et si que les amis n'aient pas tout bêlo. Colo Yesu, aboya kamoto. Ata yon zali mapende kenyoso Ako bianga yo kaka oya lepae na ye Aka bongo la yo onko mambo santo Oh na zali kolo kapampate Pati no yisa babonga tekala Ya lo pango o zonga e pai na yeso kozonga o zonga o zonga e pai na ye o kokota kokota na kachalo pango zonga o kozonga Kozonga e pai na ye oh kota na kajalo pate no pate kaya kasa niti yesa ajare na yamawa ayaka yoto akaya mbaya. Oh, Nous allons prier chacun maintenant. Que Dieu te bénisse à l'autel. De vouloir donner ton âme au Seigneur. Dans une reconsécration. Un abandon total à lui. Vivre pour sa gloire. Vivre pour lui plaire. Être agréable à ses yeux. Que cette semaine soit une nouvelle semaine. Que le vieil homme tombe. Que les vieilles choses disparaissent. Que cet amour divin soit donné comme un signe dans le cœur. Pour savoir que la grâce a touché la cible. Et que le salut nous annonçait est une réalité. Prions chacun maintenant. Et c'est seulement je me sens toujours entouré. Oh, je demande à toi, Seigneur, qui sont. Sois c'est pour à chaque instant, je sais c'est oui. Ah, je me rends auprès de toi qui sors. Ah ouais, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé, mais je me confie en toi seul qui sors. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Oh, Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé, mais je me confie en toi seul qui sors. Oh mon Dieu, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Oh Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé, mais je me confie en toi seul qui sors. J'ai tort quand je me prétends toujours grand chrétien. Ah, je me demande à toi, Seigneur, qui sors. Ah, je serai toujours chrétien, mais au fond du cœur, je demande à toi, Seigneur, qui sors. Ah mon Dieu, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Oh Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé, mais je m'enfuis en toi seul qui sors. Mon Dieu, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Oh Seigneur, sauve-moi. Je suis affilé, mais je me confie en toi seul qui sors. Oh, je suis faible à tout moment où je suis touché. Je regrette étant toujours fidèle. Oh, je dirai à tout pécheur d'aller auprès de Christ, à chaque cas de tentation de vaincre. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Oh, Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé, mais je me confie en toi seul qui sors. Oh ouais, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Oh Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé, mais je me confie en toi seul qui sors. Oh mon Dieu, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. C'est tellement à sacré, oh Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé, mais j'aimerais confier en toi seul qui sauve. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Un seul message, c'est celui promis pour le temps de la fin. Une seule église, c'est l'épouse de Christ. Le groupe des élus. Es-tu l'un d'eux? Si c'est le cas, reproduit le caractère de Christ. Quand les élus doivent devenir parole avant les enlèvements. Le caractère agréable à Dieu. La personnalité de la parole. Qu'elle vienne s'installer là. Se développer au-dedans des toits. Que tu sois l'un d'eux. Prions. Dieu merveilleux et tout puissant. Ta parole est infaillible. Ta puissance est d'actualité. Elle opère encore maintenant. Elle opère dans l'église et dans nos maisons. Elle opère dans nos vies et nous donne toutes choses. La respiration, le mouvement, l'existence, le souffle de vie, tout ça vient de toi. Le battement de nos cœurs, la respiration, inspiration, expiration, tout ça vient de toi. Nous comprenons que nous dépendons absolument de Dieu. Nos jours sur terre sont comptés. Nos mois et nos années sont comptés. Les décomptes se fait chaque jour. Les comptes fonctionnent. Nous ne savons pas à quelle heure, à quelle seconde, à quelle minute, tout va s'arrêter pour notre vie sur terre. Pendant que nous avons l'occasion, nous aimerions recevoir ton don. Tu l'as envoyé pour que nous en soyons bénéficiaires. Tu as dit qu'à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Que cette promesse s'inscrive sur le chemin de notre vie pour s'accomplir pour chacun de nous. Tous ceux qui ont écouté ta voix, qui veulent renoncer à leur méchanceté, au cœur méchant, aux habitudes de méchanceté, au comportement de méchanceté, pour renoncer à Seigneur. Nous voulons abandonner, être capable de nous humilier, d'aller réparer, aller demander pardon, ne pas nous enfermer dans un cachot, d'iniquité et d'incrédulité, mais nous humilier pour mettre nos vies en ordre. Aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur. Nous voulons compter les vainqueurs, ceux qui se rangent du côté de la parole, qui se conforment au prescrit de la parole. Brise l'orgueil. Brise l'entêtement. Brise l'indifférence. Brise la négligence. Brise la paresse de notre vie. Nous voulons le caractère de Christ. La personnalité de la parole. Agréable à Dieu. Tout le temps et partout. Entends nos prières. Entends nos supplications. Nous n'avons que toi pour le salut. Tu es notre vrai salut, Seigneur. Nous répondons à ton appel. Pendant que tu nous appelles maintenant, nous répondons oui, Seigneur. Pour te recevoir dans nos cœurs. Le royaume de Dieu dans nos cœurs. Le salut de Dieu dans nos maisons. Visite-nous. Réveille-nous, délivre-nous, et que tout lien maléfique soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout lien d'iniquité, tout lien de péché, tout lien de maladie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Prends encore tout à dire à toi. Prends les terres qui sont, Seigneur, pour ton service et ta gloire. Développe la foi au profond de chacun de nous. Une foi parfaite. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te prions d'agréer ce camp. Il répond par oui à ton appel. Tu veux la vie éternelle. Tu veux le salut de Dieu. Tu veux l'expérience du salut. Tu veux le baptême du Saint-Esprit. Tu veux la repentance selon Dieu. Oh, laissez-la à gogo, Seigneur. Pendant que nous sommes sous le soleil, pendant que nous en avons l'occasion, ne laisse personne venir en retard, mais que chacun rachète le temps. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de la mer, nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement.